Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 23e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. On commencera cette soirée avec Massilia Sound System et le titre Commando Fada. C'est aussi le titre de l'album sorti en 1995. On retrouve des métallos, Manfotti, Occitan, les zones numéro 1 et des gains ni personne, entre autres. On poursuivra avec Lita Ford et Rock'n'Roll Made Me What I Am. C'est sur l'album Out for Blood, sorti en 1983. C'est le premier album solo de Lita Ford. On peut entendre Just a Feeling, Die for Me Only, On the Run et plein d'autres. Un super album. On s'écoutera ensuite Israel Vibration et New Wave. C'est sur l'album Power of Trinity, sorti en 2002. On peut entendre Survive, Try Again, Vultures. Un excellent album. Je diffuserai d'autres morceaux, promis. Et on continuera avec Don't Drag Me Down des Social Distortion. C'est sur l'album White Light, White Heat, White Trash, sorti en 1996. On retrouve Dear Lover, I Was Wrong, Gotta Know the Rules. Je passerai d'autres morceaux de cet album, promis. Et le morceau de ce soir, donc Don't Drag Me Down, je le dédicace à Pascal qui nous écoute à Clermont-Ferrand. Et on finira ce bloc en live avec Scorpion et le grand classique Big City Nights. C'est sur le World Wide Tour, sorti en 1985. C'est le deuxième album live de Scorpion. On retrouve Blackout, Bad Boys Running Wild, Rock You Like a Hurricane. J'adore ce live. Comment on fera avec toi? Comment on fera avec toi? Comment on fera? Comment David. Allô, commando Fadin. Oui, si c'est l'ambassade. Alors nous listons. Et puis on regarde. Je sais pas qui va faire téléphoner à Jean-Pierre. Il y a un cercle pendant son chrono. J'ai peur. Avec un gamin, on est tous à fond pour le tour, mon. Alors, cher ami, c'est Cameroun de Bourg. Allô, le commando Fadin. Au bureau où je travaille, on s'emmerde. Au secours, venez me chercher. Numéro 2, Fada. Ici Tati Ninja. Alors ça rime. Je laisse mon message. Je voulais dire à Guito qu'on est dans le bénévolat. Allô, le commando Fada, ici les Orléans, bon Dieu de mer. Sans parler, commando Fada. C'est une ramification secrète des commandos Pastaga qui vous parle. Nous détenons une bouteille de Ricard qui, malgré nos pressions extrêmes, ne veut pas diluer son contenu ni révéler sa composition exacte. Nous exigeons donc que nous soit livrés immédiatement et sans condition des glaçons ainsi que l'eau nécessaire au décollage. Si nos exigences n'étaient pas satisfaites avant l'apéro, nous la descendrions purement et simplement. Yeah. a shuffle up. New wave. It's a bubble up, a bubble up. New wave. Myself a shape up, a shuffle up. New wave. But where is the love? I took before. Don't want no war. album from Lamp and Sink called Big City Night. êtes toujours dans la 23e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On commencera ce bloc avec Anthrax et The Devil You Know. C'est sur l'album Worship Music, sorti en 2011. On retrouve Worship Music, I'm Alive, The Giant et même un titre intitulé Judas Priest, une dédicace peut-être à cet autre grand groupe de hard rock des années 80, Judas Priest. On s'écoutera ensuite Ice de Nina Hagen. C'est sur l'album Unbe Again, sorti en 1979. On retrouve notamment African Reggae, Altrom. C'est le dernier album du Nina Hagen Band. Je passerai ensuite Rebelle de l'Ombre de J'aurais Voulu. C'est sur l'album Sur nos Routes, sorti en 2014. Je sais que vous adorez J'aurais Voulu autant que moi. Et donc sur nos routes, on peut entendre Putain de Vie, Tatou, Mon Crew et plein d'autres. J'adore cet album. Tiens, on ira en Grande-Bretagne avec Judge Dredd et Big Ten. C'est sur l'album Bedtime Story. Sorti en 1975, on peut entendre Six Wives of Dread, Look Up Pussy, Redness Train notamment. Et on finira ce bloc avec Doro en live et East Meets West. C'est sur l'album 25 Years Ago. On peut entendre Unholy Love, Celebrate et Breaking the Law. kann ein Wunder. Ich war zu Hause unter meiner kalten Brause und da kam Herr Wichsmann unter meinem Wasserhahn. Ach, war das toll. Ihm tropfte Abwehrschweiß. Er sagte mir, thank you. Stille, da gibt's kein Franz und keine Pillen der Stille. Und wir beißen in weiße Hälse bis bluten. We'll be right back. Je me lève face à ton miroir, l'arche de tes hautes menaces dans mon sang. Pas vérifier tes propres démons. Suis ta route, ton chemin sera le bon. Et reste pas là, tourner en rond. Ton chemin est tout tracé, à un seul dans la nuit. Sweat anyway, I'm the judge. I'll try on one or the other. Dread and I were sitting in the bath. Dread blew off and made I laugh. Oh, look, bubbles! Old Mother Riley, she got drunk. She fell on the fire and she burnt her. Oi! Well, it must have been too much Guinness. Silly old cow. In days of old, when knights were bold and ladies weren't invented, a knight drilled holes in telegraph poles and he had to be contented. If you'd have asked me, I'd give him a tin opener. A girl who lives next door to me sunbathes on the lawn. I peep over the garden fence and I always get the... Na-na! Tally-ho! My latest girl is slightly deaf. With her it's never heaven. Her conversation's rubbish, so I always cock a deafen. Well, you're coming, darling. Aye. That's what they say, too much makes you deaf. What? Oh, well, I think I'll go home and take the wife's tights off. And make my legs itch. Ah, qu'est-ce que je l'aime, moi, la Metal Queen. Vous êtes toujours dans la 23e Vampire Freaks sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. On continuera cette belle soirée avec le grand classique Miss You des Rolling Stones. C'est sur l'album Some Girls, sorti en 1978. C'est leur 15e album studio aux Stones. On peut entendre When the Ships Come Down, Before They Make Me Run, Beast of Bunder, entre autres. On s'écoutera ensuite Winston McAnuff, qu'on appelle aussi Electric Dread, et le titre What a Man Saw. C'est sur l'album What a Man Deal, sorti en 2004. On peut entendre One Love, Praying for That Day, entre autres. Il a eu une reconnaissance tardive en Europe, notamment avec ses collaborations avec Camille Bazbaz et le groupe Java. On restera dans le reggae avec Dillinger et le titre Power Bank. C'est sur l'album CB2000, sorti en 1976. Et oui, c'était le nom d'une moto japonaise, là, la CB200. On retrouve sur cet album No Chuck It, The General, Natty Clay Lighting. Et on reviendra en France avec Frustration et le morceau Relax. C'est aussi le titre de l'album qui est sorti en 2008. On retrouve We Have Some, Brother, Faster, un excellent album. J'en diffuserai d'autres, promis. Ce soir, le morceau Relax, je le dédicace à Philippe qui nous écoute à Brétigny-sur-Orge. Et on finira ce bloc en live avec Blue Oyster Cult et Harvester of Eyes. C'est du live On Your Feet or On Your Knees, sorti en 1975. On retrouve Hot Rays to Hell, The Last Day of May et Before the Kiss. Cet album a une des plus belles pochettes que je connaisse des Blue Oyster Cult, avec cette grosse voiture américaine et le drapeau du groupe à l'avant, et cette grosse bâtisse derrière, maison ou abbaye, je ne sais plus vraiment. Enfin, bref, elle est magnifique. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you.

Vous êtes toujours dans la 23e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On poursuivra cette soirée avec Trust et le grand classique préfabriqué. C'est sur l'album Trust, on peut entendre Palace, Boss Eviter et Police Milice. Cet album est sorti en 1979. On ira faire un tour au Québec avec The Oppressed et le titre Bluebird Unite. C'est du son vinyle, c'est extrait d'un album split entre The Oppressed and The Polar, sorti cette année. On peut entendre Head Kicked, White Flag, Cardiff Bourne. Je penserai ensuite Magadog de Peter Tosh, c'est sur l'album Mama Africa, sorti en 1982. On retrouve Glass House, Not Gonna Give It Up et Stop That Train. Il a été remasterisé et réédité en 2002. Puisqu'on voyage aussi dans la Vampire Freaks, on ira faire un tour au Cachemire avec Led Zeppelin. C'est sur l'album Physical Graffiti, sorti en 1975. On retrouve Custard Peas, House of the Holy, Night Flight et plein d'autres. C'est le sixième album de Led Zepp et en plus c'est un double album. Et on reviendra en France avec Berrier Noir et Jim La Jungle. C'est sur la compile Le Carnaval des Agités, sorti en 1995. On retrouve tous les classiques des Berrues en live. We'll be right back. Glad to have a bite. François, le là. Contre toutes les armées. Ça s'appelle le retour de Jim la jungle. Jimmy la jungle. Je sais que moi je déteste ça, la violence. Vous êtes toujours dans la 23e Vampire Freaks. On va s'écouter un grand classique du reggae, Africa Unite, de Bob Marley. C'est sur l'album Survival, sorti en 1979. On retrouve Zimbabwe, Survival, One Drop, Ride Nighty Ride. C'est le 7e album studio de Bob Marley and the Wailers. Je diffuserai ensuite Mama Didn't Raise No Fool de Primus. C'est sur l'album The Antipop, sorti en 1999. Mais il a surtout cartonné en Europe courant en 2002-2003. C'est le 6e album studio des Américains de Primus. On peut entendre Electric Uncle Sam, The Antipop, Eclectic Electric, entre autres. C'est mon album préféré de Primus. D'ailleurs, dernièrement, ils ont sorti un clip, Candyman. Que dire ? Ben, moi j'adore, mais laisse, hein, je crois qu'il faut arrêter un peu avec Candy Crush. Il est fou, ce Les Clip Hall. On a écouté Peter Tosh, on a écouté Bob, il manque le troisième Wailer, Bunny Wailer. Alors on s'écoutera Dreamland, c'est sur l'album Black Heart Man, sorti en 1976. On peut entendre Bide Up, Reincarnated Soul. On s'écoutera ensuite Alborosi, Envie de Reggae ce soir. There is a Place, c'est sur l'album Sound System, sorti en 2013. On peut entendre Love is the Way, Give Thanks, en duo avec les Abyssidians. You Got to Be Mine, j'adore cet album. Et on finira ce bloc avec Iggy and the Stooges et le titre No Fun, c'est sur l'album The Stooges, sorti en 1969. On peut entendre I Wanna Be Your Dog, Raw Power, Lose et plein d'autres. Stay up, boy. Babylon and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah. As it's been said already, let it be done. Yeah. We are the children of the Rastaman. We are the children. Proving to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah. As it's been said already, let it be done. Unite for its later than waiting. Yo, I the king meditation, me go bring them boy, yeah. Me memories flows like raining on the gutter. Vision a chase me and it's not proud. I know you're the most high, taller than a ancient sequoia. Mysterious is the gospel of Georgia. Tears falling down like crystal lava. My church is your heartbeat, dreadlocks rasta. Buffalo soldier from Kingston, Jamaica. Who took your life shall pierce the judgment. Like the mongoose has strike the serpent. When the good luck come, there's no time to repent. And a 6 feet of dirt, your dirty life in. Who took your life shall pierce the judgment. Like the mongoose has strike the serpent. When the good luck come, there's no time to repent. And a 6 feet of dirt, your dirty life. There's a place that I know, deep inside our very soul. It's a memory's world, and that's where we go. Dancing crazy to an old soul. Memories are where we belong, and that's where we go. Yes, that's where we go. Oh man, I kill man, I no human thing. Head a roll off on the scary scene. The movie that show, but man a crack up screen. Them dash fire just like a war machine. Bread I was a good at in a Jamaica. Love for the music and hate for the haters. Mind full of dreams and ganja by the acres. Dub wise reggae roots, man was not a faker. Man was moving righteously through melody maker. Notes and melodies, lyrics pan a paper. Bread I gone too soon to the palace of creator. Falling soldiers are them in your. There's a place that I know, deep inside our very soul. It's a memory's world, and that's where we go. Dancing crazy to an old soul. Memories are where we belong, and that's where we go. Yes, that's where we go. Life gives and takes, so memories is what we have left in the end. Every human being lives forever inside mother's memories, and that is where we truly belong. The angels them gone and love is utopia. The real king is gone, so who run Ethiopia? Life is a circle, we wait in the call. United no more, so divided we fall. I'm crying dry tears, cause I have to be tough. But where them a move, yeah, we going to be rough. No joking king and a laughing king. And the way we going, spread the tombos. Boom! Who took your life shall pierce the judgment. Like the mongoose has strike the serpent. When the good luck come, there's no time to repent. And a 6 feet of dirt, your dirty life in. Who took your life shall pierce the judgment. Like the mongoose has strike the serpent. When the good luck come, there's no time to repent. And a 6 feet of dirt, your dirty life. There's a place that I know, deep inside our very soul. It's a memory's world, and that's where we go. Dancing crazy to an old soul. Memories are where we belong, and that's where we go. Yes, that's where we go. There's a place that I know, deep inside our very soul. It's a memories world, and that's where we go. Dancing crazy to an old soul. Memories are where we belong, and that's where we go. Yes, that's where we go. Another day. maybe go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, for no fun, but to be alone, for no fun, but to be alone, so hang on, but don't you let me go, for no fun. Be alone, to no fun. Well, I say, well, I say, come on, Ryan. I say, come on, Ryan. I say, come on, Ryan. Let me, I say, come on, Ryan. Let me tell him, let me tell him why. Tell him why. Tell him why. Tell him why. Tell him why. Tell him why I feel. I say, come on, let me tell him. Tell him how I feel. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Ah, il est excellent cet album de Stooges. Cette 23e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Laissez-moi vos messages sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission en radio. J'aime beaucoup discuter avec vous tous. Et amis musiciens, continuez à m'envoyer vos morceaux. Merci d'avance. On finira cette émission avec Ludwig von 88 et le titre Abri Atomique. C'est sur l'album Oulala de la Mission, sorti en 1987. On retrouve Guerrier Balouba, Louis Zamboué Forever, William Cramps le tueur de boucher, Monsieur Pif Paf et plein d'autres. Excellente fin de soirée à toutes et tous, la tribu. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut! J'ai mis tout mon argent, je n'ai pas perdu mon temps. Non, pareil, passe-tout, Berlin. Non, pareil, passe-tout. chaud terreau électrique. Blanc, pareil, Moscou, Berlin. Blanc, pareil, Moscou, Berlin. Je boum, je boum, je suis obèse. Et si la solitude me baise,